Mettons. Télé-Québec innove et s'implique en offrant une programmation différente et diversifiée. Des artisans de la radio et de la télévision, unis par une même passion. Merci d'investir dans la mission de CKRL. CKRL HD. Une radio haute décibel. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio. Je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité. C'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et préparez-vous à passer 2 heures avec le bon rock progressif d'aujourd'hui. On a plusieurs nouveautés et on débute ce soir avec un groupe qui vraiment devient un des classiques du nouveau rock. Il s'agit de Big Big Train, un groupe... donc du Royaume-Uni, et ils viennent de faire paraître English Electric Part 2, donc la suite de l'album précédent qui était déjà excellent. Franchement, celui-là encore est tout à fait excellent, comme le précédent. Il y a sur ça donc David Longton, Greg Spartan qui sont là depuis le début, mais il y a aussi Nick DeVirgilio à la batterie, David Longhorn, en tout cas c'est... Il y a une belle orchestration, comme d'habitude. C'est super riche. Et on va débuter avec la pièce qui débute l'album, East Coast Racer, une longue suite. Et ça, c'est vraiment excellent. Et ensuite, on va poursuivre avec la nouveauté de Stephen Wilson, The Raven That Refused to Sing and Other Stories. Encore là, c'est excellent. Stephen Wilson... vraiment un beau disque, et on ira avec la pièce de Watchmaker, mais tout d'abord Big Big Train, accrochez-vous et vous nous en donnerez des nouvelles. Thank you. Thank you. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Romans, polars, nouvelles, poésie, biographie, essais, conférences, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. Pour tout connaître et tout savoir sur le Salon international du livre de Québec, écoutez Ancrage sans frontières, co-animé par Michel Olaizola et Denis Lelièvre, du 10 au 14 avril, de midi à 13h30. Essais, conférences, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. Alors, donc, juste avant la pause, c'était Steven Wilson, tiré de son plus récent album, The Raven That Refused to Sing and Other Stories, la pièce The Watchmaker. Et on avait débuté avec Big Big Train, leur nouveauté tirée de English Electric, Part 2. Alors, parlant spectacle, ce qui s'en vient, Steven Wilson fait un spectacle au Club Soda pour présenter cet album-là le 25 avril à Montréal. Et ici à Québec, il y a Carl Palmer qui s'en vient le 26 avril, le 27 plutôt au Capitole. Et le 26, c'est UK. Il y avait, ça avait été annoncé au départ une tournée 40e anniversaire pour Eddie Jobson. Puis il a transformé ça en UK. Finalement, il va avoir... Les pièces de King Crimson qui vont être jouées à l'occasion de ce spectacle. Alors, le 26 avril, au Cabaret du Capitole. Au Cabaret du Capitole, il y a aussi le 17 mai, Neil Morse, qui vient présenter son nouvel album Momentum. Alors, c'est à ne pas manquer. Il y a RPVL, le 20 mai. C'est au Centre d'art La Chapelle. Dans l'après-midi, il va y avoir deux spectacles et on entendra une pièce de RPWL tantôt. Un peu plus tard, en spectacle, ils interprètent des pièces de Pink Floyd en plus de leur répertoire. Il y a aussi le groupe de Québec Piezo, le 4 juin, à l'Agité, avec The Asylum Factory. Alors, il y a pas mal de spectacles qui s'en viennent. En plus de la convention Terra Incognita, il n'y a plus de billets, mais c'est les 18 et 19 mai et on a bien hâte de vous y rencontrer. Alors, prochain bloc musical, c'est une nouveauté, un projet Colossus avec la Maison Muséa. C'est un concept donc de 3 CD et c'est sur les l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft, donc Lovecraft, qui est né au Rhode Island, aux États-Unis, en 1890, et il est décédé en 1937, et il a écrit plusieurs articles, plusieurs livres, et donc plusieurs de ses textes sont mis en musique par un paquet d'artistes, certains dont on connaît pas mal, d'autres un peu moins. Il y a Glass Hammer, Unitopia, Simon Says, Jinetes Negros, La Cosiesa di Zeno, il y a Chichada, Citonia, Nexus, un paquet de groupes donc sur ça, et on entendra donc la contribution du groupe Unitopia. C'est un groupe qui vient d'Australie et c'est la pièce The Outsider, donc de H.P. Lovecraft. Et on poursuit aussi avec un collectif, un projet intitulé The Rome Project. Et c'est un musicien italien qui a réuni sous l'idée. Il y a eu une idée qui a été émise par Steve Hackett de faire un album concept sur les fontaines à Rome. Alors, le bonhomme a ramassé plein d'artistes et ils ont fait plusieurs pièces intéressantes. On écoutera un extrait de ça, mais d'abord Unitopia et leur contribution à The Stories of H.P. Lovecraft. Earthly pains and sickness cannot touch you. Like the age-old hills of Egypt, you exist. You are. The ancient line of the high priests of Karnak must minister unto you until the end of time comes. I shall do that for you, Clarice. I. Thank you. must find me in the tomb, or when the old moon strikes the door of my tomb, I will come back to kill. Yeah. when I am dead, you will bury me in dust. You will place the figure of Anubis at the west of the inner chamber. And on the night of the blue moon, I will make my offering of the eternal life to Anubis, opener of the way. We'll be right back. La Maschera di Cera a tiré des Le Porte del Domani. Et c'était la pièce Viaggio Metafisico. Et juste avant, c'était un extrait du nouveau projet de Rome Project. C'est un projet, en fait, Steve Hackett avait rencontré cet artiste-là après un concert et il lui a partagé l'idée de réaliser un album où le sujet serait les fontaines de Rome. Alors, c'était la pièce Down to the Domus Aurea et Steve Hackett à la guitare avec Vincenzo Riccia. C'est lui donc qui est à l'origine de ce projet, au clavier. Alors, il y a plusieurs groupes intéressants sur ça. On va aller en pub et on vous en parle au retour. Et ensuite, on vous parle aussi de Life Science qui s'en vient. Il y a encore beaucoup de bonne musique pour la prochaine heure de Terra Incognita. On y va en pub et on revient. On vous parle de Life Science. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Fais attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de chez KRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente ici, à CKRL, à 20$. Seulement 20$, pas cher. Viens chercher. 405 3e avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut. Vous aimez la BD? Vous voulez la découvrir? Venez profiter du 26e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Exposition. Animation. Une riche programmation consacrée au 9e art fera vibrer plusieurs lieux culturels de la capitale du 10 au 14 avril. Projection. Venez rencontrer les nombreux auteurs présents et découvrir des talents du Québec et d'ailleurs. Impro BD et soirées animées. Célébrez le 9e art avec nous. Informez-vous sur fbdfq.com. Le Salon international du livre de Québec accueille cette année plus de 1000 auteurs et 800 maisons d'édition. Laissez-vous séduire par la découverte de nouveaux auteurs ou la rencontre de vos écrivains préférés. Jeune lecteur ou lecteur aguerri, vous aurez l'embarras du choix. Plus que jamais, le Salon international du livre de Québec vous propose de la diversité. Du 10 au 14 avril, au Centre des congrès de Québec. Romans, littérature, polar, nouvelles, rencontres, poésie, auteurs, biographie, livres sur essais. L'art. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. CKRL. Québec. Donc, pour la deuxième heure de Terra Incognita, on débute avec Life Science. Il y a Jean-François et Michel qui vous en ont parlé déjà. C'est un projet donc avec John Young, Martin Frosty Beadle et Nick Beggs. Mais sur ça, il y a des invités intéressants comme Steve Hackett, justement, dont on parlait, Robin Bald, il y a Jaco Jagzik et Thys Van Neer, qu'on a connu pour le groupe Focus, et qui est toujours dans Focus d'ailleurs. Focus qui fait paraître un album l'an dernier et qui est toujours actif avec sa nouvelle formation. Donc, Life Science, on aura une belle pièce intitulée Lighthouse. Ensuite, le groupe de Montréal de Chant Agopian, Semantic Saturation, on écoutera la pièce Ambivalence de Solipsistic, son premier disque, et il y a sur ça aussi Virgil Donati au drum et Derek Sherinian et d'autres excellents musiciens. Il y a aussi Oblivion Sun, un deuxième disque pour la formation américaine de High Places. On aura aussi un extrait de cet album-là. Mais tout d'abord, Life Science. Thank you. too far to see, but the light is here ahead of me. I'm calling. Thank you. We'll be right back. C'était le groupe américain Oblivion Sun, tiré de leur plus récent album, The High Places, leur second. Et ce sont des membres fondateurs de la formation Happy Domain, qui avait réalisé de très bons disques. C'était dans les années 80, il me semble. Alors, c'était la pièce Deck Hard. Juste avant, il y avait Semantic Saturation, tiré de Solipsistic, la pièce Ambivalence. Et on avait débuté donc avec Life Signs. Pour la dernière demi-heure, on débute avec le groupe de l'Argentine Gardenia, tiré de El Libro de los Soles. C'est leur deuxième, second album, oui. Ça vient de paraître il n'y a pas longtemps. J'en avais fait jouer une pièce. C'est vraiment un excellent disque. Il y a pas mal, toutes les pièces sont bonnes. Ça sera la pièce Luminée de Gardenia. Et ensuite, ce sera Majestic, un extrait de VOZ, et on aura également RPWL pour finir le bloc musical. Alors, allons-y tout de suite en musique avec Gardenia. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Romans, polars, nouvelles, poésie, biographie, essais, conférences, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. Pour tout connaître et tout savoir sur le Salon international du livre de Québec, écoutez Ancrage sans frontières, co-animé par Michel Olaizola et Denis Lelièvre, du 10 au 14 avril, de midi à 13h30. Biographie, essais, conférences, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé que le radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. drift away. The shore is getting small. Questions we thought we knew. They mean nothing at all. The choice we made cannot turn back. No, it cannot turn back. The light we knew has now. Yeah.